Une miette de gens. Une miette de gens. Une miette de gens. Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 3. Il est né il y a 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, une nuit d'étain. Il a accompagné les danseuses antiques et les combats médiévaux. Il a donné la cadence aux habitants des terres d'Afrique. Il annonce, il raconte, il sacre, il amuse le tambour. Dans les temps reculés, à l'époque où les hommes chassaient le grand mammouth, où les ours des cavernes peuplaient les grottes et où on pouvait croiser un rhinocéros au détour d'un rocher, notre contrée vibrait nuit et jour d'une joyeuse musique rythmée qui ne s'arrêtait jamais. À cette époque-là, la terre elle-même se nourrissait de ce rythme. Tout était abondance et foisonnement. Mais cette musique-là, d'où venait-elle? Là est le grand secret. Aussitôt dévoilé, aussitôt oublié. Chut. Le vent pourtant me l'a raconté. À ce moment-là, chaque enfant qui naissait recevait à sa naissance un cadeau de la terre, un tambour. Il ne se voyait pas. Il était niché dans un repli d'un petit coin du corps, le cœur. Ce tambour caché suivait le tempo du cœur de la terre. Les enfants n'étaient pas toujours conscients de la présence de l'instrument. Certes, ils ressentaient la vibration, mais ne se l'expliquaient pas vraiment. C'est là que les anciens intervenaient, armés de l'expérience de toute une vie. Musiciens experts, ils transmettaient leur savoir-faire. Chacun y allait de son conseil, de ses trudes et astuces. Et puis l'enfant déployait ses ailes et tambouillait ardemment. Comme dans un orchestre, chaque instrument avait sa particularité. Mais l'ensemble sonnait harmonieusement. Un jour pourtant, tout se détraque. C'en est fini de l'harmonie. Pourquoi ? On raconte qu'un soir de pleine lune, un marchand venu de l'Est a annoncé l'arrivée d'un être maléfique appelé Bulkies. Au début, notre peuple ne l'a pas pris au sérieux. Mais le marchand a un bon argument. Une énorme cicatrice qui lui traverse le corps du menton jusqu'au nombril. À la vue du corps lézardé, la foule maintenant plus attentive réclame des explications. Et le marchand s'en donne à cœur joie. Il tient son public en haleine, lui fournit maints détails plus horribles les uns que les autres. Bulkies, le monstre, est le plus cruel des tortionnaires jamais connus. Il est assoiffé de silence. Le bruit le met hors de lui. Pour preuve, cette cicatrice. Le pauvre marchand n'avait, après tout, rien fait de mal pour mettre ce géant en colère. Il était passé non loin de lui dans la forêt, et son tambour, comme de coutume, raflabadait au rythme de la terre. Bulkies avait entendu, avait bondi et lui avait arraché son tambour. Comment avait-il survécu? Le vent s'est bien gardé de me le raconter. Autour du marchand, maintenant silencieux, l'auditoire est livide. La peur envahit les cœurs. Chut, chut, tais-toi, silence, intime-t-il au dissimulé. Chut. Chut, silence, tais-toi, enjoigne-t-il à l'instrument désormais muselé. Plus un bruit, ou presque. Une jeune fille, dénommée Bara, est restée de marbre. Ni la cicatrice, ni les détails sanglants du marchand ne l'ont terrorisée. Ceux qui l'entourent perçoivent distinctement sa musique interne. Très vite les « chut, chut, chut, chut, tais-toi, silence » pleuvent. Chut, chut, tais-toi, silence. Chut, chut, tais-toi, silence. Barra ne scie pas. Sa musique se poursuit. La demande se transforme alors en marchandage, en menace et en violence. Mais Barra danse, chante et tambourine de plus belle. Les silencieux la poussent. Puisqu'elle a la folie de continuer son raffut, qu'elle aille le faire plus loin. Et Barra disparaît dans les bois. Au village, on murmure maintenant la boule au ventre. À tout moment, Bulquiez peut débarquer. Dans ce calme pourtant, un homme ose prendre la parole. Le marchand. Il n'avait pas fini son histoire. En effet, si le marchand est venu jusqu'ici, ce n'est pas seulement pour colporter la peur, mais aussi parce qu'il a une solution. Bulquiez est un être abominable, sauf quand il dort. Assoupi, il n'entend rien, il ne voit rien, il ne fait rien. Pour l'endormir, encore une fois le marchand a la solution. Rien de tel qu'un bon repas. Ignoble le titan, mais surtout gourmand. Et c'est ainsi que les villageois, autrefois joyeux et insouciants, deviennent sinistres, stressés et surmenés. Tous sont au travail pour fournir aux marchands les offrandes à amener à Bulquiez. Le temps a passé. Le marchand venu de l'Est est mort. Bulquiez a été oublié, mais la peur est restée. Elle s'est transmise de génération en génération, une véritable gangrène. Les humains se laissaient dévorer par elle. La terre s'épuisait. Et puis un jour, un roulement au loin, du côté de la forêt. Les enfants intrigués sont les premiers à s'approcher des papillons dans le ventre. Ça commence à se bousculer à l'intérieur. Le son s'amplifie. La vibration au-dedans se fait plus forte. Les enfants apprivoisent ces nouveaux soubresauts de joie. Tout autour, la nature tressaille. Que se passe-t-il? La peur peu à peu se dissipe. Au fur et à mesure que le son augmente, les enfants aperçoivent à la lisière du bois une silhouette. Elle gesticule et sautille. Les enfants ont alors la furieuse envie de faire comme elle. À l'horizon, un corps à présent se dessine. Une vieille femme chantonnante les rejoint bientôt. Tous dansent et la terre jadis essoufflée respire à nouveau. Chacun fait la paix avec son tambour. Les adultes sortis de leur routine par le concert emboîtent le pas et se trémoussent eux aussi. À nouveau l'équilibre et le rythme. Et comme par magie, ce qui était oublié fut à nouveau célébré.